Noyon, une petite ville de l'Oise, a priori sans histoire. 15 000 habitants, 40% de logements sociaux, des quartiers où le sentiment d'insécurité fait débat. 23 villes retenues par le ministère de l'Intérieur et qui doivent faire l'objet d'une action particulière contre l'insécurité. Comment expliquer ce climat ? Des éléments de réponse avec ce reportage dans une autre de ces villes, Noyon, dans l'Oise. Moi je représente la province, les banlieues, Noyon City. 6400 Jusqu'à la mort. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. Noyon City, laser, ma zone, c'est naze. Le soir c'est désert, le cerveau baisé. Dès le berceau, la coque, les ronds brûle des naseaux, trop de shit, brûle des neurones. Vite fait de finir à Fidjem, mazo pour quelques euros. Ça met des carottes, ça fait des allers-retours derrière les barreaux. Et au parloir ça poirote, y'a plus d'autorité des parents. Le quotidien dans les embrouilles, finir avec une lame dans le boule. Un mec qui te lâche le pitbull, une balle dans le bide. Des condés, des perquis, c'est la vermine. Au volant d'une caisse sans permis, c'est la vermine, c'est comme ça qu'ils nous nomment. On sait où ça commence, mais aussi quand ça se termine. Baumette, Fresne, Fleury, ou sur une tombe fleurie, en train de pleurer, faut pas se leurrer. On choisit pas de vivre où c'est pourri, entre les cafards et les souris. Quand plus rien te donne le sourire. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. On vit à l'arrache, et dès qu'on peut on s'arrache. Ici c'est trop la merde, on cherche tous l'oseille en terrain hostile. Faut pas se mentir, dehors c'est brutal. C'est comme des clous dans une bouteille de butane. On se tape pour une boutade, on se tue pour une broutille. C'est la routine qui bousille, comme un taf chez BZ. Et les fins de mois pas BZ, la vie c'est pas un jeu. T'appuies pas sur Reset, Noyon City c'est marche ou crève. Partout ça bicrave, les keufs fraudent, font leur ronde dans la ville. Ça contrôle grave, depuis le cartable, habitué à la gardave. Que les poucaves donnent ton blaze. Drogue, vol, argent sale, toucher la gloire, brasser les pistons. Tu connais le dicton, la mort ou la prison. Beaucoup misent l'espoir dans le bisgo. Ils rêvent de merc au bas de Twingo. Mais c'est la dèche ici, ça part en émeute si t'allumes la mèche ici. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. On vit mal à Noyon. Les gens ont peur, le soir c'est fermé de bonne heure, tout est la fermé. La Sud, réservoir, représent, beau séjour, le bon froid, représent, l'Aftab sur la Cotra, représent, Pitless, Noyon City, représent, la Sud, réservoir, représent, beau séjour, le bon froid, représent, l'Aftab sur la Cotra, représent, Pitless, Noyon City, représent. Ici, le taux de délinquance est supérieur à la moyenne nationale. Et l'année dernière, les gendarmes ont enregistré une légère hausse des crimes et délits. Tenez les jeunes, on vous donne une maison de quartier et basta, c'est terminé. Représent. Ça fait que galérer les dents et vous ne venez pas nous faire chier à la mairie, c'est ça. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. Moi je représente la province, les banlieues, Omega Nova, ouais. C'est ça, ouais. Noyon City 6400 Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.